Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, là où il fait bon vivre, mesdames et messieurs. C'est l'épisode 87 et en 1987, c'était le 250e anniversaire de la ville de Saint-Joseph de Beauce, mesdames et messieurs. J'étais jeune et heureux. Maintenant, je suis middle-age et heureux. Et puis, on est mercredi matin, le 24 au matin, novembre, 8h51. Et puis, voilà. Alors, merci d'être présent. On commence tout de suite en force avec de la pub. Je veux parler très rapidement des promotions en route vers le Black Friday de Retro MTL. Donc là, on est mercredi, ce qui veut dire qu'on a eu notre promo du lundi qui était 30% de rabais sur toutes les... j'ai pas beaucoup bu de café encore. 30% de rabais sur les accessoires, ça incluait les manettes, les amiibo, les câbles, whatever, les cases, protecteurs, tout ce qui était un accessoire, tout ce qui est papier, livret, guide, magazines... et livres quelconques là, qu'on avait. Alors, très belle promo, ça a bien vendu. On est vraiment contents. Merci à tout le monde. Hier, c'était mardi, et puis on faisait une belle vente de 40% sur des consoles un petit peu plus nichées, un petit peu plus champ gauche. Tout ce qui est Atari, Coleco, Intellivision, PC Engine, TurboGrafx-16, 3DO, CDI, je pense qu'on a vendu aucun jeu CDI, on en avait-tu, hein? Je ne me rappelle plus. Neo Geo, Famicom, toute la famille Famicom, etc. Donc, hier, on a un beau client de Toronto qui nous a fait une belle commande là, de plein. Toronto ou Colombie-Britannique, en tout cas. Belle grosse commande de plein de jeux 3DO. Alors, fantastique. On a besoin d'espace. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi et c'est un spécial BOGO, Buy One, Get One. Alors, t'achètes un jeu Xbox, peu importe la génération, du premier jusqu'au Xbox One Series, un jeu usagé. Et le deuxième est à 50%. Donc, achète des paires de jeux. Et puis, voilà. Je vous dis pas ce que c'est demain, peut-être qu'il y en a qui vont s'en douter un petit peu. Et puis vendredi, c'est Black Friday qui commence, ça va durer toute la fin de semaine. Et puis lundi, on a le Cyber Monday. Alors, semaine excitante pour Retro MTL, ben des ventes, ben de l'action. Et puis beaucoup d'inventaire qu'on a reçu aussi, qu'on va commencer à rentrer de façon plus intense après le Black Friday. Grosse collection de Switch, d'Amiibo, de Game Boy, ce qui est supposé rentrer aujourd'hui. Ben des affaires. Alors, on est bien excités, on a bien du plaisir. Et tout est merveilleux dans ce monde. On va prendre du café. J'ai vraiment une belle énergie ce matin, je trouve. Pourtant, je jouais au hockey hier soir, je me suis couché tard, mais je sais pas. La semaine passée, après le hockey, j'étais décalissé bien raide. Mais là, je me sens en forme. Puis il faut, parce qu'à soir, on enregistre aussi Rétro Nouveau. Donc, deux podcasts aujourd'hui. Je vais publier ce que je suis en train de faire là dans la journée, puis Rétro Nouveau. On enregistre à soir, ça va être prêt demain. Je vais pas parler du WEG, du Weekend Gaming, dans ce podcast-ci, parce qu'on va faire un retour là-dessus à Rétro Nouveau ce soir. C'est un genre de podcast spécial WEG un peu, où est-ce qu'on va parler un peu de comment ça s'est passé, où est-ce qu'on a les jeux qu'on a fait, etc. Donc, mais on a eu un excellent week-end, ça a fait du bien. Sinon, update poubelle, comme vous avez vu sur ma page Facebook, si vous ne l'avez peut-être pas vu, allez voir ça, les vidéos, allez dans la section vidéo. J'ai fait un vidéo pour montrer, moi, qui découpe la poubelle, l'infâme poubelle. Donc, elle est découpée, mesdames et messieurs, c'est fait. Je l'ai coupé en morceaux avec ce que les Montréalais appellent un sazor. Il y a des gens qui appellent ça un César, ok? Mais sazor, ça coupe tout. Saz, it saws all. Bon, ça, moi je connaissais pas ça. Comme je disais en Beauce, on appelle ça un zigonneux. parce que ça zigonne, tu sais, donc tu coupes ton affaire. Mais c'est ça. Puis là, c'est un César, je suis comme OK. Puis des gens qui appellent ça un César. Puis je pense qu'un César, c'est comme une déviation de César, tu sais. Là, César, c'est rendu loin, me semble, tu sais, ça... En tout cas, je trouve ça très drôle. Alors, ça a bien été, poubelle découpée en morceaux, puis tout ça. Mais comme je disais, notre poubelle était dans un petit espace, tu sais, comme la porte n'est pas directe au flanc du mur, il y a un petit... ça rentre par en dedans, ça fait un petit cubicule, puis la porte est là. Et puis, la poubelle était sur cet espace-là, de 1 mètre par 1 mètre à peu près. Et puis, mais là, les gens, ils ont... Tu sais, c'est long à défaire les mauvaises habitudes des gens. Fait que là, ils étaient habitués de mettre leur sac de crottes de cul de chien, de cul de marde dans ma poubelle qui était là. Mais là, il n'y a plus de poubelle. Fait que là, ça fait comme des, comme des imbéciles, comme... Puis là, ils déposent le sac, tu sais, à terre, là où il y avait la poubelle. Ah, mais un peu de poubelle! Ah ben, ça doit aller là, là, tu sais! C'est spécial. Donc, ça va prendre encore, d'après moi, une semaine ou deux, là, un mois peut-être. Peut-être d'ici Noël, genre le curse des crises d'imbéciles au sac de chien de marde va être terminé, puis ces gens-là vont arrêter de déposer ça à terre, là où il y avait poubelle, et puis on va s'en sortir. Mais là, c'est comme un petit présentoir de sac à crottes. C'était cute! Ben, il a fallu que je les prenne avec mes mains, bien sûr, ces petits. Je les prends du bout des doigts, là, tu sais, puis je fais youp, puis là, je les dépose, là, tu sais. Fait que, voilà. J'ai pas d'autres promos poubelles. Ça a bien été les poubelles du QG cette semaine. On n'avait pas beaucoup, alors, voilà. Bientôt, faudrait que j'aille à l'éco-centre porter des carcasses de stock. Et puis des manettes, puis des whatever, des câbles, toutes sortes d'affaires. Donc, peut-être qu'il y aura un update de poubelle, mais spécial éco-centre. Quoique ça se passe toujours bien à l'éco-centre. Quel endroit merveilleux, l'éco-centre. Tu jettes tes cochonneries dans les bacs, tu sais. Puis moi, avec les rénaux de la maison, et puis mes commerces, tout ça, je t'en ai pas tout le temps, là, mais tu sais, t'accumules, tu payes beaucoup peinture, du casse, du béton, des roches qu'il y avait dans le cours, du bois, scrap, des matériaux de construction, des batteries. Moi, je garde mes batteries, tu sais, dans un genre de bol, puis à un moment donné, j'en ai tellement, je vais porter ça, tu sais. C'est bien satisfaisant. C'est bien satisfaisant d'aller porter dans chaque conteneur tes déchets à l'éco-centre. Et puis... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je me rappelle plus. C'était par rapport au magasin, non? Ah oui, je l'ai pas annoncé vraiment officiellement encore, mais parce qu'on n'avait pas beaucoup d'items dans cette section-là, mais on a fait une... Ben, il y a deux sections. Liquidation chez Retro MTL. Il y en a une en magasin, tout de suite en rentrant. Le rack qu'il y a là, c'est de la liquidation. Donc, c'est des items qu'on a ici, qu'on va pas jeter parce qu'ils ont une certaine valeur, mais tu sais qu'on veut que ça débarrasse. T'sais, on avait, mettons, par exemple, une boîte de 300 jeux Famicom, mais tu sais, pas des grands jeux, là, on s'entend, fait qu'on met tout ça une pièce, deux pièces, puis on met ça dans le rack. Des tapis de danse, des consoles, voyons. Multi, là, NES, Super NES, là, tu sais, puis, ben, des figurines, des magazines, des livres, des Skylanders, un peu n'importe quoi. Tu sais, les films sur PSP, là. Voyons, comment on appelle ça, là. En tout cas, des UMD de films PSP, tu sais, parce que la PSP avait des jeux, puis il y avait aussi des films. Donc, hey, c'est l'avenir en hostie, ça. Mais on veut pas m'en rentrer sans inventaire. C'est une pièce, deux pièces chaque, là, tu sais, go. Donc, c'est pas sur notre site web, ça, parce que le but, c'est que ça se liquide rapidement et qu'on n'investisse pas du temps et de l'argent à gérer ces affaires-là. Donc, c'est là, achète-en, non testé, non garanti, une pièce, deux pièces, go. Et puis, on a mis des guitares aussi, hein, plein de guitares. On a commencé à sortir ça d'ici, fait qu'il faut que les guitares partent 5, 10, 15 pièces chaque. Et puis, on a une section liquidation sur notre site web où est-ce qu'on met des jeux neufs qui ne se sont pas vendus ou qui sont vraiment longs à vendre. L'exemple classique, c'est les NHL, là, passé date, ces affaires-là. Donc, mais il y a des très beaux jeux aussi qu'on a genre commandé en trop grande quantité quand c'est sorti, puis là, il faut finir des passés. Jeux Switch, PS4, Xbox One, donc allez voir ça. Et cette section liquidation-là grossira parce qu'on a des affaires jolies qu'on veut mettre en liquidation aussi, qui sont peut-être un peu plus grosses. Et puis, on a d'autres affaires aussi qu'on met sur eBay. Des bundles là, de trucs là, très champ gauche là, justement, ou peut-être moins intéressant. Comme on avait un bac plein de genre boîtes vides d'Atari Lynx, des boîtes de jeux vides d'Atari Lynx, avec une pouch en boîte d'Atari Lynx. Deux Atari Lynx, modèle 1, modèle 2, mais defect. Puis on passera pas notre temps à les réparer ceux-là. Et puis 2-3 jeux, des petits livrets, des patentes. Fait qu'un bundle de ça, mets ça sur eBay, mets un prix ou best offer, go, go, go. Même affaire pour du Jaguar, même affaire pour du CDI, un Marty, FM Town Marty, Defect, grosse console ça. Et puis des jeux 3DO, des jeux à télévision qui ont de la valeur, tout ce genre d'affaires là. Donc beaucoup de livrets, des livrets de Genesis, ça roule. Donc, allez sur notre eBay aussi pour si vous allez être surpris des fois qu'on met des affaires à ces places-là. Ah, un petit aspect promotion encore, je veux juste parler des groupes Facebook que j'administre peu, ben, que j'ai créé et que j'administre pas vraiment, parce qu'ils s'administrent eux-mêmes. Rappel du groupe Facebook qui s'appelle Finir des cassettes. Le groupe est populaire, sérieux. Il y a du monde qui s'ajoute tout le temps, les gens participent. T'aimes ça, finir des jeux? C'est pas obligé que ça soit sur cassette, ça peut être digital, disque, whatever. Du moment que tu finis un jeu vidéo. Et t'aimes ça en parler aux autres, faire ta petite critique ou juste montrer que t'es bien hot parce que t'as terminé ce jeu-là. Prends des photos de ton jeu, mets ça sur le groupe Finir des cassettes, puis parle-nous de ton expérience. Et puis t'es pas obligé d'écrire 4 parias, tu peux dire « Hey, j'ai fini pour la première fois de ma vie El Shaddai au Xbox 360. C'était malade, ce jeu-là prend de la valeur. Wouhou! » Puis là, les autres vont faire « El Shaddai, je savais pas, ça prend-tu de la valeur? C'est quoi ce jeu-là? Oh, pas pire. Oh my god, on est rendu cher au PS3. Oui, oui! » Puis là, ça commande et tout le monde est heureux de découvrir des affaires comme El Shaddai et toutes sortes de jeux. Alors, vous irez voir ça. Je dis beaucoup « alors » aussi. « Alors, je suis désolé, mais je me contrôle pas. J'ai pas, je suis tout seul. Je suis seul, fait que je me répète. » Donc, Finir des cassettes. Autre groupe, le Club Vidéo Blond. Si t'aimes ça, de la belle bonne bière et des jeux vidéo ensemble. Prends des photos de ça ensemble, puis mets ça sur le groupe. Puis parle-nous du jeu, ou parle-nous de la bière, ou parle-nous des deux. Et puis, c'est un groupe vraiment qui se prend pas pour... C'est pas un groupe qui se prend pas au sérieux, je veux dire, c'est un groupe sérieux pour le plaisir. Mais t'as pas besoin là, de connaître la bière là, comme un malade. Là. Personne va rire de toi parce que t'achètes l'Archibald. Là, t'sais. Fait que c'est de la bière, puis c'est des jeux, et puis voilà. C'est bien certain qu'on a une tendance micro, là, t'sais. On aime bien découvrir des choses. Donc si ça vous branche, allez là-dessus. Si vous êtes vieux, comme moi, ou plus, je vais avoir 42 ans dans un mois, et que c'est... Dans un mois... On est le 24, oui, dans un mois précisément, en fait le 25, je vais avoir 42 ans, 25 décembre, ça va vite. Donc si t'es vieux comme moi, mais heureux avec le cœur jeune et que t'as envie de parler de vieux jeux vidéo, viens donc participer au groupe Atari Vision, Atari Coleco et Télévision, groupe que j'ai parti il y a belle lurette et puis que je ne touche pas du tout. Alors, si... On va pas vendre tes affaires là-dessus, là, comme les Français là, qui sont débarqués. Oui, j'ai des affaires à vendre, mais ça n'a pas rapport, c'est pas ça, là. Pas ça qu'on fait, là. On fait juste parler de vieilles affaires, mais on parle pas vraiment. Mais j'aime ça le c'est bien, je m'en occupe pas, tu sais, c'est de ma faute. Mais j'aime ça le plugger pareil parce que c'est drôle. Mais j'aimerais ça faire des groupes Facebook. Tu sais, à une certaine époque, j'étais bien actif dans les groupes, là, puis tout ça. Beaucoup, beaucoup. CCG Vécu, entre autres. Et puis, tu sais, la distribution collectionneur qui existait, qui était bien actif. Puis, la fois, j'aimerais ça avoir un autre groupe dédié aux jeux vidéo rétro, collection-ish. Peut-être un petit peu plus, tu sais, hop niveau, mais j'aurais pas le temps de m'en occuper encore une fois, puis ça me ferait juste une autre affaire, là, tu sais, ça me ferait plaisir, mais ça prend du temps quand même, gosser là-dedans, mais tu sais, quand la communauté fonctionne, elle s'autogère, donc y'a pas de, de trucs à gérer tant que ça. Puis je pense que c'est ça qui marchait bien dans le temps du groupe Facebook Distribution Collectionneur. On gardait un œil, mais tu sais, comme quand les gens y avaient à se parler, ils se parlaient. Puis bon, s'il y avait des affaires plus hard, là, on adressait. Mais sinon, tu sais, ça gère tout seul. Là. Quand t'as pas une communauté toxique de marde, alors voilà. Peut-être ça va revenir, mais là, je n'ai pas le temps. Quoi d'autre? J'ai un petit... Aujourd'hui, ça va être les questions du public, d'ailleurs. Et puis, j'achève mon intro, là. Il faudrait que je l'achève, ça fait déjà 15 minutes. Dernier sujet, j'en suis très fier. Mon petit garçon est passé en quatrième année. C'est officiel, finalement. Quoique, il est comme en période test, entre guillemets. C'est nous qui voulions avoir... tu sais, comme, il est passé en quatrième année. Ça, c'est beau, les nouveaux livres, les nouvelles affaires. Et puis, il est pas passé, tout est pas enregistré à la commission scolaire encore dans le processus de paperasse, là, dans le fond. Comme ça, on se donne un temps, un prochain bulletin. Puis, si au prochain bulletin, ça va, puis tout le monde est heureux, on va process. Mais là, il est là, puis c'est fait. Puis, je suis assez fier de lui. Puis fier, en tant que père quand même, c'est pas rien, je trouve, puis ça n'a rien à voir avec l'éducation que je lui ai donnée. Pas en train de dire que c'est je fais des génies, mais ça, non, ça se fait tout seul, tu sais, il est comme, il a tellement une belle drive, c'est fantastique, et puis tu sais, il y a bien, mon fils, il est du genre à se trouver pas bon quand il y a un A moins, tu sais, puis à se trouver gros. Il est pas gros, là, il est tout maigre, il est musclé, tu sais, parce qu'il fait de la gym. Tu sais, comme il se rabaisse beaucoup, là, tu sais. Puis il est dur envers lui-même, là, tu sais. Puis, ah, mon dessin est pas beau, ah, puis il se fâche, puis c'est pas correct, faut qu'il réussisse, puis, tu sais, tout ça. Fait qu'il est bien dur envers lui, puis là, on lui a dit, si on fait ça, si tu passes en quatrième année, tu sais, tes notes, ils vont peut-être baisser à A-B+, là, pis c'est normal, tu vas avoir du travail à faire un petit peu, tu sais, il fallait vraiment, tu sais, pour pas qu'il fasse une dépression, pour pas qu'il fasse de l'anxiété de performance, qu'il se trouve de la merde pour le restant de ses jours, je sais pas quelle maladie mentale pourrait développer, mais non, il a compris, il était correct avec ça, il a 8 ans en passant, tu sais, à cet âge-là, ça, c'est 8 ans, donc, pis là, bien sûr, il a fait exactement ce qu'on savait qu'il allait faire, moi et ma blonde. Il a backtrack ses cahiers, tu sais, parce qu'il commence à telle place, à même place que le groupe en quatrième. Puis la prof dit, ben, tu sais, si tu peux, ça te tente, tu peux checker en arrière. Puis là, il a fait ses exercices, tu sais, comme il rattrape ça, puis il travaille fort. Fait que bon, tant mieux. C'est ça, il est pas spécialement intelligent, tu sais, prodige ou fixe, tu sais, je sais pas quoi. Il a juste une drive de fou. Alors, c'est merveilleux. On veut encourager ça. Tu sais, nous autres, c'était ça le but de l'exercice, de le faire passer en quatre. On veut pas qu'il se ralentisse lui-même ou qu'il s'emmerde puis qu'il attende. On veut tant qu'à être heureux d'apprendre puis d'être motivé puis de vouloir, ben tiens, prends-en, go, tu sais. Donc, on essaye ça. Puis, ça se fait bien aussi parce qu'il est dans une classe mixte. Ça fait 2 ans que mon fils est dans une classe mixte. Donc, l'année passée, il était en deuxième, mais il était dans une classe mixte de 2 et 3. Et puis, cette année, il a gardé la même professeure, mais la professeure a monté d'une année, puis il est dans une classe mixte 3 et 4. Donc, il est avec une prof qu'il connaît depuis 2 ans. Et puis, il a juste, tu sais, il est dans le même groupe. Donc, il passe de la 3 à la 4, mais il reste avec la même prof dans le même groupe. Fait qu'au lieu de regarder là, il va regarder là. Et puis, voilà, tu sais, il change pas de prof, pas de classe, pas d'école, pas rien. Donc, on trouvait ça, tu sais, c'est parfait. C'est comme une transition smooth, là, tu sais. C'est pas un gros changement pour lui. Donc, c'est ça. J'avais envie de parler de ça. Puis, on est là-dessus. Bon, question du public, c'est l'heure, mesdames et messieurs. Laissez-moi sortir ça ici. Là, je sais pas si c'est en ordre ça de 6 jours. Ouais, j'ai posé les questions la semaine passée. J'ai pas fait d'épisode la semaine passée, finalement, trop de travail. Mais là, ça va mieux, j'ai repris le dessus. Ben, on va commencer par en haut, là. Mario Ramos. L'homme, la légende, m'écrit « Si t'étais le grand boss de la télévision, comment aurais-tu ressuscité la marque? » Et puis à Gabriel Houle de rajouter « C'est genre la meilleure question ever. » Donc, ah, Il y a deux façons de voir ça, tu sais. Ressusciter. D'un, ressusciter la marque, c'est une drôle d'idée. Tommy Tallarico a décidé de le faire parce que, I guess, qu'il s'est ramassé là par la bande et puis ça coûtait pas cher de racheter ça, puis d'être CEO. Et puis voilà, c'est ça qu'il a fait. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de ressusciter la marque en télévision parce qu'elle a pas une énorme reconnaissance. Mais elle n'est pas... c'est pas négligeable pareil, tu sais. Avant Sony, PlayStation, Nintendo... PlayStation, Xbox, Nintendo, imagine une compagnie, un produit monde. Vous savez ce que je veux dire? Ben, c'était Atari, Coleco et Télévision. Et puis, ça se faisait à la guerre, tu sais. Et puis, c'était beau. C'était avant que la NES vienne changer tout. Donc, Télévision a vraiment eu une belle run avec leurs propres produits, leurs propres brands, leurs propres... t'sais, sprites, le bonhomme qui court, là, sur ma tasse, ça ici, ça c'est vraiment comme c'est comme un personnage que Intellivision a développé. Il y avait leur son, t'sais, les applaudissements, le monde qui crie. Quand tu joues à l'Intellivision, t'entends ces affaires-là, t'sais, quand t'es habitué un peu. Et puis leur jeu, t'sais, précis. Et puis ils ont inventé la manette à disque. Oh! Ça, c'est comme ce fameux disque, tu sais, c'est un peu l'emblème d'Intellivision aussi. Donc, tout ça a existé, tout ça a été merveilleux, tu sais. Mais tout ça n'a pas perduré, Atari était quand même plus fort que tout le monde. Puis là, si on se dit de nos jours, on ressuscite Intellivision, est-ce qu'on fait un produit qui s'adresse aux nostalgiques ou qui touche la fibre rétro, tu sais, puis qui fait ça, ou est-ce qu'on part complètement ailleurs puis on arrive dans le monde avec un produit Intellivision, tu sais, comme ils ont fait présentement avec l'Amico. Moi, je trouve que cette deuxième option-là est très dure parce que la marque Intellivision dit rien à personne, grand public, tu sais. Alors, tu t'adresses à qui, tu sais? Le mot Intellivision, le marché que tu vas chercher avec le brand, c'est les nostalgiques, les gens comme moi et plus vieux, tu sais. C'est ça le public, tu sais. Eux autres sont comme, « Ah, télévision, man! Night Stalker, quand j'étais jeune, Shark, c'est malade, Utopia! » Puis, malheureusement, vous n'aurez rien de tout ça. Parce que la console n'a pas les vieux jeux originaux, puis ils n'ont pas les droits, puis ils font pas, ils refont un peu ces jeux-là. Mais ils les refont pour un public « moderne », entre gros guillemets, let, tu sais, c'est comme c'est, on l'a vu, là, vous avez vu, je vais pas tout expliquer, là, mais c'est pas beau, là, ce que la télévision font présentement, c'est cheap, c'est laid, c'est de la vieille technologie, c'est du vieux graphisme, c'est, y a rien d'intéressant là-dedans, ça coûte cher, tu sais, ça va très mal. Donc, puis moi, j'avais précommandé cette machine-là que parce que c'était la télévision, puis j'aime la télévision, puis that's it, tu sais. Donc, moi, ce que j'avais dit, quand il y a eu une annonce qu'Intellivision allait faire une nouvelle console, dans le groupe Intellivision Invasion, j'avais écrit en commentaire au post là, de je sais pas quoi, de Tommy directement, pourquoi je pensais que... Pourquoi faites-vous pas une VCS, tu sais, pas une VCS, mais une MVS, la NES MVS. Donc, attends un peu, je l'ai déjà dit, ça. C'est-tu un MVS? Si je me mélange. Ça, c'est Neo Geo. NES... Ah, c'est-tu tannant, ces hosties d'affaires-là? AVS. Ah oui. AVS, c'est ça. Une NES AVS. Donc, au lieu d'avoir des produits très, très, très high-end comme analogue qui coûtent cher, comme une NES AVS qui existe, qui fait la même affaire qu'une NES d'analogue, qui met dans ta télé de façon hyper propre, avec des menus aussi, puis tout ça, puis des petits settings, les vieilles cassettes. Donc, tu mets ta cassette de NES dans la NES AVS, puis tu joues sans lag, avec une image sharp, pixel perfect, ou presque, là, vraiment clean, et puis that's it, tu sais. Puis moi, c'est tout ce que j'aurais souhaité. J'aurais voulu une Intellivision, une console Intellivision qui est capable de jouer les vieux cartes dans une télé moderne. Puis aussi, built-in dans les manettes d'Intellivision. Premièrement, enlève le disque parce que c'est pas jouable. Et puis, fais une manette là, dans l'autre sens, là, je sais pas quoi, avec le layer T'sais, parce que il y a un overlay qui va dans les manettes d'un télévision. Et puis, cet overlay-là te montre où peser sur le clavier, parce que c'était des manettes à clavier, dans le temps, c'était bien populaire, pour les contrôles du jeu. T'sais. Fais une manette que tu tiens de main, là, avec un écran vertical, puis l'overlay qui apparaît du jeu. T'sais, quand tu bootes le jeu, ça pop-up l'overlay de jeu-là dans ta manette. C'est tout ce qu'on demandait, t'sais. C'est tout ce qu'on voulait, ça. Pas besoin de courir après les overlays. Le livret d'instruction, il est dans la machine. Déjà, tu bootes le jeu. Tu fais un petit tableau des high scores là, sur Internet. Tu essaies que tu peux sharer de jouer à ces jeux-là avec les autres. Moi, j'aurais fait ça. Mais, t'sais, ça, c'est pas une grande vision pour Tommy Tallarico. Tommy Tallarico, lui, c'est genre, moi, je vais changer le monde avec l'intellivision. Je vais faire une console qui s'adresse à un public qui n'existe pas vraiment. Les gens, les familles, mais qui sont trop cassés pour racheter une Switch, tu sais, puis qui ne veulent pas gosser là-dedans, là, parce que c'est simple. Même si la télévision Amico est super chère présentement. Puis il a ramené le petit disque, tu sais, puis la manette, le touchscreen, tu sais, c'est comme un téléphone, puis là tu tiens ça dans l'autre sens, puis ça finit que ta manette à la télévision n'a plus de sens, tu sais, c'est une gosse, que tu fais n'importe quoi. Donc, t'sais, c'était un fail, là. Puis il n'y avait pas de marché pour ça. Le seul marché qu'il y avait, moi je trouve, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est tu fais une console qui joue les vieux cartes. Puis des vieux cartes, il y en a partout, t'sais. Dans tous les magasins de jeux, des boîtes pleines, tout le monde s'en crisse, les boîtes, il y en a plein qui gigit, t'en veux, en v'là. Là, t'aurais fait découvrir le monde. Je sais pas aussi comment la rentabilité de ça aurait été. T'sais, si c'est un projet qu'il aurait fallu que tu payes pour les droits, j'en ai aucune idée. Là. Je sais pas, c'est pas moi qui fais ça. Mais ça aurait été sûrement moins payant. Cela aurait été moins payant que si l'Amico réussit son pari d'être une console puis d'embarquer dans un game qui en vend des millions. Blablabla. Donc, ça. C'est sûr que tu vas faire plus d'argent pour un plus grand projet, l'Amico, mais Christ, que c'est comme. C'est quoi les chances de réussir ça, là, versus comme faire une belle petite machine, comme je viens de dire. Fait que moi, c'est ça que j'aurais fait. Puis là, ce que Intellivision font présentement, c'est comme non, on n'est pas une console rétro, là. Par contre, ils font un package qui embrasse le look rétro. Dans la petite carte dedans, qui n'est pas un produit physique finalement, elle est faite est comme un cart rétro. Puis là, oh, ils ramènent des affaires rétro. C'est sûr, c'est-tu qu'il faut que tu fasses ça, sinon ton affaire parle à personne. En tout cas, ils sont vraiment cul entre deux chaises au niveau de la mise en marché de cette affaire-là. T'sais. C'est rétro, mais non, t'sais, c'est compliqué, man. Fait que, prochaine question. Faut que ça roule, Caroline, le show est crime. François Dicantine, lui-même, l'homme, la légende, les cheveux, le musicien, métal. Il est tellement gentil. Et il cuisine joliment bien. Quelle est ta pire décision de collectionneur? Ta meilleure, pourquoi? Ben, moi, la pire, c'est de... J'étais pas collectionneur à l'époque, ça a été de vendre tous mes jeux que j'étais jeune, tu sais. Mais, tu sais, mettons, si tu dis collectionneur, ça veut dire, je dirais, à partir de 2010. Une décision... C'est pas une grande décision, tu sais, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais faire... Attendez un instant. Y a-tu un petit bug présentement? Attendez, faut juste que je vérifie quelque chose, là. Notre site... OK, bon, il y a un petit bug avec le site web, on va adresser. Les gens sont déjà sur le dossier, apparemment. OK. Donc, oui, ma pire décision, c'est pas une grave décision. Je m'étais lancé dans la folle idée. Moi, je voulais full setter bien des affaires, là, à un moment donné. Je voulais full setter mon Atari Jaguar et Atari 7800. Jaguar, j'ai tout vendu ce que j'avais, puis je regrette zéro. Par contre, je trouve ça beau, là, tu sais, une Jaguar, puis tout. Puis il existe un Everdrive aujourd'hui, mais tu sais, je jouerais jamais, là, mais c'est pas grave. Fait que ça me dérange pas. Mais mes jeux Atari 7800, j'en ai racheté, mais tu sais, je me débarrasse de ça. Mais je trouve ça tellement beau, puis c'est une console que j'aime quand même beaucoup. Donc, de vendre tous mes jeux Atari 7800, j'aurais peut-être dû en garder 2-3. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, je vais les racheter, ça ne coûte rien, ces affaires-là, on va retrouver là-dessus. On va tomber là-dessus à un moment donné. Mais sinon, j'en ai vendu beaucoup des consoles que j'ai collectionnées, entre guillemets. Vraiment, Dreamcast. Ah ouais, mais jeux Saturn. J'avais une super belle petite librairie d'une quinzaine de jeux Saturn, des jeux qui valent extrêmement cher. Des imports japonais, des shmups, quelques jeux d'action genre Elevator Action Returns. Puis j'ai fait modder par mon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis de Chaka Cassette. Ma console Sega Saturn avec le module de Terra Onion qui fait que les jeux sont maintenant dans la machine. Rien à faire, il n'y a plus de disque qui rentre dedans. C'est comme un petit. Ça devient un petit ordinateur qui boot tous les jeux de Saturn. Cela existe pour le Dreamcast aussi, mais je suis pas assez dans le Dreamcast pour ça. Saturn me suffit. Et puis, j'ai vendu tous mes jeux, puis ça, je dois dire que j'étais quand même très fier de ma petite librairie Saturn, mais c'est vraiment des beaux jeux là-dedans, mais j'en ai plus de besoin, tu sais. Puis, fait que je les ai vendus, puis j'ai eu plein d'argent pour ça, puis ça a aidé à financer d'autres parties de ma collection, puis c'est bien correct. Mais ça, j'avoue que j'y pense de temps en temps à ces affaires-là. Ma meilleure décision de collectionneur, ça l'a été de ne pas vendre toutes mes affaires. Mes affaires prennent la valeur. J'ai vendu plein d'affaires, on s'entend. J'ai vendu mon kit Virtual Boy, t'sais, j'ai vendu mon 64, Sega Master. J'ai vendu plein d'affaires. T'sais. Mais j'ai pas vendu mes main affaires que j'aimais, soit NES, Super NES, Game Boy, et puis là, je suis dans Switch bien raide. T'sais, j'ai gardé une petite poignée, genre 5-6 jeux de Genesis, coupelle de jeux de PS1, PS2, et puis t'sais, des affaires de même. Atari 2600 aussi, ma collection était vaste, et puis j'ai vraiment aminci. J'ai vendu tout ce que j'avais de Coleco parce que j'utilise autre chose. Donc, tout ça, c'est des décisions qui m'ont rapporté de l'argent et qui m'ont permis de réinvestir sur autre chose qui me plaît plus. Donc, c'est-tu des mauvaises décisions ou des bonnes décisions? Je pense que c'est des bonnes décisions. Ça me fait moins de stock aussi, tu sais. À un moment donné, puis moi, je suis du genre à, tu sais, ma collection NES ou Game Boy ou Super NES, tu sais, moi, je frotte les cassettes une à une, je les mets là, tu sais. Je mets dans mon application, OK, j'ai ce jeu-là, mais je coche Wanted aussi parce que il est pas parfait, puis s'il m'en passe un autre entre les mains, je regarde mon arbre. Ah oui, j'ai besoin de ça, mon jeu est pas parfait. Fait que là, je veux comme affûter au maximum mes collections pour qu'elles soient vraiment belles. Fait que si j'ai trop de collections, ben ça finit plus aussi, puis j'ai même plus le goût de checker pour quoi que ce soit, tu sais. Ben, j'ai quand même pas mal de Wanted dans mon NES, je fais des upgrades comme vous avez vu sur Facebook. Puis tu sais, quand ils rentrent des jeux ici, je suis comme bon. Je vais checker de quoi j'aurais besoin. Ok, j'ai besoin de 5 screws de Rygar, j'ai besoin de ça. T'sais, c'est prenant, t'sais, c'est une charge mentale de collection. Donc, moins que j'en ai, plus que je focus, plus que j'ai le goût de travailler là-dessus. Là, t'sais. Donc, c'est ça. Puis, peut-être que vous vous demandez l'achat de Stadium Events que j'ai acheté, Stadium Events au NES. Je n'ai parlé sur mon podcast, un jeu NES que j'ai payé 16 000 $. C'est-tu une pire décision ou une excellente décision? C'est une décision que j'ai prise parce que j'avais l'argent de côté. Et puis, c'est un objectif de collectionneur. Je pense que je collectionne depuis assez longtemps, puis je suis assez là-dedans, puis que je suis capable de dire assez facilement que c'est vraiment une passion pour moi, les jeux vidéo, rétro, les jouer, les collectionner. Tu sais, comme je pense que c'est legit que j'aille ça. Et puis, d'avoir ça chez nous, ça me... Je suis pas comme... Tu sais, je le regarde, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, qu'est-ce que. Tu sais, j'ai pas mis en péril l'équilibre familial avec cet achat-là, ni rien. Et puis, comme je dis, j'ai vendu plein d'autres affaires de ma collection aussi. Que, tu sais, j'aime mieux avoir ce jeu-là que plein de styles d'affaires. Tu comprends? Fait que, mais plein d'affaires que j'ai vendues ont payé une minime partie de ça, là, tu sais. Mais quand même. Donc c'est ça. Et puis, ce jeu-là, moi, je l'ai acquis, ça va bientôt faire un an. Et puis, bien content encore d'avoir ça chez nous. Si un jour, je suis dans marbre et j'ai besoin de vendre mes jeux, ben ça sera pas la première chose que je vais vendre. Tu sais, mettons, le set, ma collection NES, ça serait genre la dernière affaire que je vendrais en chunk si j'ai besoin de vendre. Et puis, maintenant qu'elle est complète avec Stadium Events, tu comprends, je voudrais pas faire un trou puis enlever ça, là, tu sais. Mais puis est-ce que j'ai cette affaire, j'ai pas acheté cette affaire-là pour faire de l'argent avec, mais j'ai acheté cette affaire-là en me disant je perdrai au moins pas d'argent en l'ayant. Donc moi c'est surtout ça que je surveille. T'sais, c'est quoi le qu'est-ce qui bouge avec Stellium Events là? T'sais, est-ce qu'il prend de la valeur, sa valeur elle monte, elle descend, t'sais, présentement elle a l'air de se maintenir. Donc s'il fallait que je le vende demain matin, j'aurais sûrement pas fait d'argent. Peut-être même j'en perdrais un peu si je veux qu'il parte. Mais moi, j'ai pas besoin de le vendre, je veux pas le vendre, et puis je veux le garder, et puis on verra qu'est-ce qui arrive plus tard. Si à un moment donné, je t'accueillerai des jeux vidéo, je vends toute ma collection, ça sera ça. Si je décide de garder mes jeux vidéo jusqu'à ma mort parce que c'est magnifique, et puis que je laisse ça à mes enfants parce qu'ils veulent les garder, ça sera ça. Mais pour moi, c'est ce jeu-là. Tu sais, il y a comme un obstinant, un monde s'obstinait. Les jeux vidéo sont pas un investissement. C'est comme, non, c'est pas un investissement. J'achète pas les jeux vidéo pour réinvestir. Tu sais, moi, j'achète ça parce que ça me plaît d'avoir ça, puis j'y joue. Ou non, tu sais, comme Stadium Venom, je jouerai pas. Mais tu sais, j'aime ça, tu sais. Mais quand je regarde la montée de ça, ben, je suis content. Tu sais, j'ai comme, hey, j'ai acheté ces affaires-là, ce prix-là. Tu sais, les fucking Panic Restaurant, c'est rendu cher, ça, tu sais. Moi, j'avais des jeux que j'achetais 100$ dans le temps, ils sont rendus 300-400$, tu sais. Si je vais les vendre, ben, ça me fera de l'argent, tu sais. Donc, vaut mieux que cette maladie-là, des affaires que j'achète, les affaires prennent la valeur au lieu qu'ils en perdent ou que personne n'en veut. Puis, tu sais, il y a eu un débat dernièrement sur le CCJVQ aussi de quelqu'un qui vendait sa collection. Contient que des jeux à disque, tu sais, PlayStation, Xbox, Wii, ces affaires-là. Tu sais, oui, ça a une valeur, ça, mais moindre. Tu sais, un full set Xbox ou un première génération ou un full set NES, dans le temps, fallait vivre pendant 5-10 ans, lequel vous pensez, tu sais, qui va maintenir ou augmenter sa valeur beaucoup, là, tu sais. Il faut que tu achètes des affaires, faut que tu achètes n'importe quoi, tu sais. Tu peux faire un full set Wii, PS2, fine, tu sais, puis il y a des jeux là-dedans qui prennent la valeur et tout, mais faut que tu penses qu'à un moment donné, tu vas peut-être devoir vendre ou te désintéresser de ces affaires-là, tu sais, achète, fais pas n'importe quoi, là, tu sais. Quand tu achètes un jeu, achète-le en fonction à quel prix tu vas le revendre si tu le revends, tu sais, c'est... Je veux dire, c'est juste la logique, là, c'est logique de faire ça, tu sais. T'achètes pas des affaires full price en... puis tu sais que t'es à un moment donné là, t'as... T'sais, du monde qui abandonne des full sets, il y en a beaucoup là, t'sais, que... Hey, voulez-vous ma connexion Xbox 360? Il y a 2000 jeux et puis je me suis tanné, fait que là mes 300 jeux pleins de marde, t'sais, les voulez-vous? C'est comme non, on les veut pas. Fait que si tu réussis à les vendre à 30%, 40%, ben, sur Kijiji ou whatever ou à quiconque d'autre, good, tu sais, mais c'est ça, tu sais, il y a des choses qui ont vraiment une valeur plus que d'autres. Fait que pensez à ça. Fait que, bon, hey, faut continuer. Cours Patrick Cours, il dit The Hammer, parce que sur ma photo de ce post-là, j'ai mis une photo du Greg The Hammer Valentine, qui est maintenant très vieux avec son petit café, man. Il a des petits yeux pis une grosse face de cuir. C'est très drôle. Fait que oui, c'est Greg The Hammer Valentine. Carl Leduc, quel est ton avis sur les RetroPie? Ben, c'est bien le fun, c'est bien le fun, mais tu sais, c'est-tu une question ça, c'est quoi ton avis sur posséder des vrais jeux ou une affaire qui émule les jeux, tu sais? Moi, ben, RetroPie, c'est nice, là, ça te permet d'avoir bien des affaires, là. Donc tant mieux que ça existe, ces affaires-là. Il y a d'autres affaires aussi, il y a des Mister, puis j'ai vu ça au WEG, puis ça, c'est absolument incroyable, mais c'est compliqué! C'est pas pour tout le monde. Donc, il existe des devices comme ça. Puis c'est intéressant. Donc, que ça existe, c'est bien. Moi, ça m'intéresse moyen, je te dirais. Moi, je suis heureux avec les jeux que j'achète, que je joue et que je collectionne. Là, tu sais, je veux pas aller plus loin que ça. Mais, mettons, on est chez des amis, puis il sort son paille, et puis on va jouer à tel jeu d'arcade d'Atari de 1981, t'sais, c'est comme, c'est nice, là, t'sais. On n'a pas cette arcade-là ici présent, mais on peut jouer. Donc ça, c'est cool. Stéphanie Marcellet, est-ce que tu aimes toujours la bière sans alcool? Si oui, as-tu des nouveaux coups de cœur? Annie Côté de répondre, oh damn, il aime la bière sans alcool, faut que je trouve ce podcast-là. Personnellement, je te recommande la Boréale Blonde, la Boréale IPA hors sentier. Je cherche aussi des recommandations si tu en as. J'ai mentionné dans mes podcasts que, tu sais, comme je switchais un peu sur le sans-alcool des fois en fin de soirée pour ralentir le pourcentage, pour pas être trop scrap le lendemain. Mais j'ai pas un podcast précis là, sur la bière sans-alcool en passant. Puis j'ai pas de j'achète un peu n'importe quoi, tu sais, même de la marde, là. J'achète la blonde comme il y a sur même sur le cover d'un de mes épisodes. Donc, la blonde, là, choix du président, là, sans alcool, moi, ça me convient. Rendu là, ma bouche est déjà habituée d'avoir bu de la micro, deux bières de micro. Puis là, je m'ouvre une sans alcool, puis, tu sais, comme ça goûte pas grand-chose, puis c'est correct de même. Tu sais, il y a des produits Bockel, et puis, mais tu sais, ça revient cher un peu. Tu sais, de la micro sans alcool, des cannes à 5-6$. Moi, ça me turn off. J'aime beaucoup celle au litchi de Bockel. C'est nice. Mais puis ça goûte un peu. Puis il y en a de la vraiment pas bonne. Micro sans alcool. En passant, les IPA sans alcool, là, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. Il y a des nano IPA à 2%. Fait que je considère ça quasiment sans alcool. Là, ça va. Il y en a plusieurs. Allez voir vos épiceries de bière. Mais la sans-alcool, ouais, non, à part les produits Bockel, en toute sincérité, je connais pas grand-chose là-dedans. Jean-François Joly, veux-tu nous parler de ton impression sur la Playdate, la console jaune à manivelle? Crois-tu qu'elle deviendra un objet de collection? Vous irez voir ça si vous connaissez pas ça, mes collègues Fred et Bruno sont bien excités par la Playdate, il y a bien du monde excité par ça. Puis moi, je la comprends pas. Pas en tout. C'est comme une petite console portable, comme un petit Game Boy, flat, pas gros, jaune, et qui joue des jeux noir et blanc. Puis, il y a une petite manivelle dessus que tu peux tourner comme une canne à pêche. Fait que ça, c'est un device qui permet aux développeurs de gosser avec ça, pour essayer de trouver des nouvelles mécaniques de jeu et tout. Et puis, la console est très jolie. C'est un objet, tu sais, c'est un objet de design. Tu sais, c'est du beau design. Et puis, tu peux commander aussi un genre de bloc que tu peux snapper la console dessus. Puis, ça devient un réveil en même temps qu'un chargeur pour la console. Donc, tu sais, tout ça est très joli. Il y a même un porte-crayon dessus, rien que pour le LOL. Donc, ils ont rajouté ça. Et puis, mais moi, personnellement, je comprends pas l'engouement pour ça. Je trouve que les jeux là-dessus, ça va être des petits jeux. Là, tu sais, c'est limite au level montre digitale, au Game & Watch comme jeu. Je sais pas si ça va être si deep que ça, ces jeux-là. C'est intéressant parce que ça va fonctionner avec un... Les jeux vont être released, je pense, c'est à tous les mois. Il y en lâche 3, tu sais. Puis c'est comme... je sais pas si c'est un abonnement. Comment ça marche? Pas des jeux physiques que t'achètes, c'est la compagnie qui laisse les jeux, puis pouf, ça pop dans ta machine, comme le mois a changé, maintenant j'ai ces trois nouveaux jeux-là, j'ai hâte de les essayer. Donc ça, c'est nice, mais moi, ça, j'ai pas vraiment. J'ai l'impression que les jeux, ça va être moyen, puis j'ai l'impression que cette machine-là va être comme bien cool, bien à la mode pendant un an et demi, deux ans, puis ça va être fini après ça. J'y crois pas. J'y crois juste pas. C'est joli, tu sais, alright. Mais moi, je veux pas de ça, tu sais. J'ai assez d'affaires de même. J'ai pas besoin d'une gogosse que, genre, les jeux vont s'avérer être moyens. Puis qu'on va se l'avouer, les gens utiliseront pas tant que ça. Je suis sûr. Moi, c'est l'impression. C'est mon impression. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va arriver, tu sais. Si j'avais du cash à pitcher partout, j'ai comme, yeah, je m'essayerais là-dessus, I guess. Mais pas une scène à mettre là-dessus pour l'instant. Et je crois pas au futur de cette affaire-là. Même si je trouve ça très joli, le concept est très intéressant. Et la mise en marché est bonne. Là, il y a du retard dans la livraison et tout. Mais, tu sais, la compagnie fait bien ça. C'est comparé à Intellivision, justement. Où est-ce que c'est tout croche. Puis, c'est comme, dis-tu des mensonges? Ils cachent des affaires. La Playdate, c'est carte sur table. Voici... Inquiétez-vous pas, tac, tac, tac. Donc ça, c'est nice. Jonathan Turcot, ma question est un choix de réponse. Je n'ai pas annulé ma précommande de l'Amico. Donc je suis A, cave, B, insouciant, C, pigeon, D, très intelligent, puisque cet objet va devenir un objet de collection quand je vais être le seul à avoir cette console au Québec. Il dit, cette question est aussi bonne pour Rétro Nouveau. Donc, ben, tu vois, moi, Jonathan, je dirais pas que t'es cave, parce que il me semble que tu suis nos projets depuis longtemps. Et puis, t'es une personne bien gentille, et je suis sûr que tout ton entourage est heureux de t'avoir. Alors non, t'es certainement pas cave. Insouciant, non, vu que tu te poses la question. Alors, tu vois, déjà là, tu te questionnes. Un pigeon, ben, dans le sens d'un suiveux, j'imagine. Je pense pas non plus, parce que tu dois être pas mal un des seuls de ta gang au Québec à avoir précommandé ça. Donc, je dirais que tu es très intelligent, parce que cet objet va peut-être devenir un objet de collection. Tu vois, moi aussi, j'avais une précommande, et puis pendant la COVID, dans mon élan de laisser aller plein d'affaires de ma collection, et puis j'ai décidé de pas prendre ça. J'avais précommandé quand tu précommandais, dès le début, tu avais elle en wood grain, puis ça vient avec un poster, puis ça vient avec un logo de où Tommy Tallarico signe la console, puis ça vient avec d'autres affaires. T'sais, c'est un beau petit kit, vraiment, puis j'étais comme « yeah », tu sais. Que ça floppe, même si ça floppe, ce kit-là va se ramasser sur eBay à des prix de fou, puis ce kit-là va prendre une valeur, tu sais. Et puis, c'était 200-300$, là, je sais pas trop. Fait qu'il y aura très peu de ces kits-là. Et puis, les gens qui les ont commandés, la moitié vont les garder, l'autre moitié vont les flipper. Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Puis, ça va être signé par Tommy Tallarico lui-même, qui aura dit lui-même, « La télévision s'en vient! » Puis, la télévision va faire faillite. Donc, tu sais, il va y avoir de quoi autour de cet objet-là. Ça va être intéressant, tu sais. Ben, la télévision faillite, probablement pas. Mais... je pense pas que ça va marcher. Alors, cet objet, ce kit-là va être intéressant, tu sais. Moi, je pense qu'il va y avoir des intellivisions Amico, tu sais, comme en réduction, là, AB Games, Best Buy, tu sais, en liquidation avant longtemps. Et puis, mais ce kit-là, il sera pas dans ces bins-là, tu sais. Il va être dur à avoir. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est le seul argument qui fait que j'étais un peu « Ah, j'aurais-tu dû ou j'aurais pas dû? » Tu sais, comme juste avoir le kit, tu sais, ça fait beau dans la collection et la télévision. Martine Tilburg, ma patronne. Oh, je suppose être en train de travailler, moi, là. « Quel jeu aimerais-tu donc être capable de terminer, mais que tu n'y arrives jamais? » Il y en a, j'en ai deux en tête présentement. L'un d'eux, surtout, de Seven Saga au Super Nintendo, qui est un RPG de Enix que j'aime, que j'ai loué plusieurs fois quand j'étais jeune. J'ai jamais réussi à le finir. Et puis, c'est un RPG, ça, qu'à la version nord-américaine, à ce que l'excellent Dominique Arsenault a dit, que la version nord-américaine, il y a beaucoup, est beaucoup plus difficile que la version japonaise. Faut que tu grindes, grindes, grindes. T'as des ennemis tout le temps, des encounters, attaques, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est lourd, tu sais. Puis tu choisis un personnage au début. Ils sont tous assez différents. Puis là, tu sais, comme je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça. Hey, là, c'est fini. Je me repars une game de Seven Saga, puis je termine ce jeu-là. Là, je sors mon café, je commence à grinder mes bonhommes. Là, je mets une photo de ça sur Facebook pour vous montrer à quel point je suis cool. Puis là, tout le monde a écrit en dessous, genre, « Oh my God! Hey, man, ça m'a pris, genre, 80 heures à finir ce jeu-là. Ah, oh, t'as pris Ledges, genre, comme personnage principal. Ouf! Ouais, c'est vraiment dur. Ah, tu sais, de tel corridor où est-ce que, tu sais, on meurt, là, tout le temps. Ah, ouais, j'ai mis 20 heures dans ce petit corridor-là. Ah, puis tu sais, là, le bout de labyrinthe, là. Ah, puis tu sais, l'arme, là, pas trouvable, là. Ben, finalement, tu sais, à telle place, à telle place, à telle place. Là, j'ai tout lu ça. Je suis comme, calice. Là, je me suicide dessus ou je ferme ça ou je lâche pas. Fait que finalement, j'ai lâché. Fait que vous m'avez découragé, gang. Ben raide. Fait que The Seven Saga, c'est un RPG que j'ai tout le temps voulu finir au Super NES puis que je n'ai jamais fini parce que découragement, tu sais. Mais je l'aime. J'aime ce jeu-là. J'aime la musique. Ce jeu-là a une vibe tellement unique, je trouve. Puis je pense que c'est très personnel, tu sais, que la musique résonne en moi de ça. Vous allez jouer à ça demain, mettons, vous allez comme, bon, c'est poche. Mais moi, c'est un jeu que j'ai essayé, tu sais, puis la musique, je la trouve très paisible, là, puis l'overworld, puis... j'aime ça, tu sais, ça me calme, j'aime beaucoup ça. Et puis, donc, je pense que c'est mon meilleur exemple, ça, Martine. Et puis, en deuxième choix, je vais le finir, par exemple, mais Super Spy Hunter au NES, c'est un jeu que j'arrive pas à finir parce qu'il y a un genre de boss rush à la fin, il faut que tu fasses tous les boss un après l'autre. Puis il y a un boss qui est vraiment là, pas plaisant, qui fait en haut, en bas, gauche à droite, puis qui balaye l'écran. C'est comme un carré qui balaye l'écran, tu sais, puis assez gros, puis qui te tire en même temps, qui te lance des missiles, man. C'est un boss très difficile. Puis là, quand c'est le temps de faire le boss rush, tu sais, t'arrives là tout nu dans la rue, là, t'as rien, puis là, faut que tu le fasses. Fait que, tu sais, dans le temps, j'avais pas d'Ever Drive. Donc, je laissais ma game sur pause. Je laissais ma game sur pause pendant une semaine et quelques. Puis, en essayant de battre ce bonhomme-là, ce jeu-là, j'ai pas réussi. Là, je me suis reparti une game. Et puis, là, je peux sauvegarder où est-ce que je suis rendu. Donc, là, j'ai une game. La dernière fois que j'ai joué, j'étais à l'avant-dernier monde. L'avant-dernier monde étant ce petit boss-là, justement. Donc, là, il faut que je le fasse. Et puis, au moins, là, ma game peut être sauvegardée. Et puis, à un moment donné, je vais réessayer. Mais j'ai quelques games de sauvegarder présentement sur mon Everdrive NES. Toutes des games, toutes des jeux que je suis comme à la fin, tu sais. Puis là, je me dis, hey, je vais avoir du plaisir. J'ai du temps. Je vais jouer à des jeux vidéo. Puis là, ben, c'est comme, faudrait bien que je descende en bas, souffrir, puis essayer de finir ces petits jeux-là infinissables, tu sais. Fait que, en tout cas, ça va venir, mais ça, c'est un jeu qui me gosse. Puis que j'ai comme plus de misère à finir ce jeu-là que d'autres jeux NES considérés durs, genre Ghosts and Goblins, Ninja Gaiden 3, des affaires de même. Alors, voilà. Bubu Landry, il dit par rapport à ma photo, c'est pas Greg the Hammer Valentine, ça? Oui, monsieur. Et puis, c'est tout. Et puis, Pascal Reeves qui dit un Figure 4 en direct. Le Figure 4 était en français la prise en 4. Et puis, Greg the Hammer Valentine, c'était son finish, ça. Et puis, une prise en 4, c'est comme une façon de placer les jambes de ton ennemi, puis les tiennes. Puis là, tu te laisses tomber sur le dos, puis tu tires. Puis ça, c'est comment dire, ça pousse une jambe sur l'autre, là. Puis pour vrai, j'ai déjà comme essayé ces prises-là quand j'étais jeune avec des amis, puis tout, ça fait vraiment crissement mal, là. C'est assez atroce comme prise de c'est une prise de soumission. Et puis Greg, c'est ça qu'il faisait, man. C'était sa prise. Puis quand j'étais jeune, lui, il était méchant, tu sais. C'était un heel. Et puis, quand je le voyais faire ça, je suis oh non, il va comme casser la jambe du bon, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est drôle comment est-ce que, pour parenthèse lutte, comment est-ce que les finishers de plusieurs lutteurs sont devenus maintenant des moves qui font partie du répertoire de base de la lutte. Le Figure 4. Le DDT de Jake the Snake est rendu un move que les gens font comme si de rien n'était. Et même, là j'ai été très surpris, le Stunner de Stone Cold. Chris, j'écoutais la lutte l'autre fois, random, là, de même. Le gars, il fait un stunner, comme si de rien n'était. Je suis comme, wow, minute, là. Ça, c'est un finish légendaire, là. Ça t'appartient pas, là. T'as pas le droit de faire ça. Personne n'a rien dit, il a fait son stunner. OK. Mais j'étais très surpris de voir ça. Jesse Miron, à quoi ressemble ton backlog et en combien de cassettes terminées es-tu rendu en 2021? Est-ce ton record? Donc, mon backlog, il est grand, il est infini. Surtout au niveau Switch, parce que j'achète, je pogne tous les jeux Switch qui m'intéressent qu'on a ici en magasin. Fait que bien sûr, j'ai pas le temps de... j'en acquiers bien plus que j'en termine. Mais c'est correct ça, parce que j'aime ça. Moi, jouer à Switch demain, on va mon petit jeu Switch. D'ailleurs, présentement, je joue à Hunt Down et hostie que c'est bon. Je sais pas s'il nous en reste là, chez RetroMTL, là. Allez voir, là. Mais allez voir du gameplay, tout d'abord. Si ça vous parle, achetez-le. Parce que c'est crissement bon. Donc, Jesse, lui, il fait référence à mon fameux document Google Sheets que j'ai... que je bâtis depuis 2017, quand même. À chaque fois que je finis un jeu, je le mets là-dedans. Ainsi, je regarde mes prouesses. Ça, c'est le fun. Donc, en 2017, j'ai terminé 46 jeux. En 2018, j'ai terminé 34 jeux. En 2019, j'ai terminé seulement 26 jeux. J'étais bien occupé en 2019. Ça, c'était comme avant que la COVID frappe. J'étais on fire. J'étais comme ouais. Et puis, c'était tout ça? La COVID est arrivée quand, non? Ouais, elle est arrivée début 2020. Moi, 2020, je misais sur cette année-là pour être comme... la business et tout ça, tu sais, mais finalement, COVID. Fait que, bon, tu vois, en 2019, j'étais très occupé, j'ai pas eu le temps de jouer bien, bien. 2020, ben COVID, j'ai eu plus de temps, donc 47 jeux. Et là, en 2021, J'étais à 46... Non! J'étais à 49 jeux. Donc, c'est mon record amené jusqu'à la date. Cette année est l'année où j'ai fini plus de jeux. Donc, moi... Mais tu sais, je pourrais booster cette liste-là en genre en fin de semaine, je pourrais aller finir Félix de Cap, Castlevania, plein de jeux de Game Boy qui prennent 2 secondes que je connais par cœur, rien que pour rajouter du stock, tu sais. Mais c'est pas ça mon objectif. J'essaye tout le temps de finir des jeux que j'ai jamais finis à chaque année, ou ça donne que j'en refinis de temps en temps parce que ça me tente. Tu sais, mettons, en 2020, j'ai fait Xexiz au NES, un jeu que j'aime bien, puis là, je vois que. En 2018, je l'avais fait aussi. En tout cas, bref, des fois, je refais des jeux, tu sais. Castlevania, justement. Des affaires de même. Donc, je peux vous dire les jeux rapidement que j'avais fait cette année. J'ai toute la date aussi. Hein. Je mets la date, je mets le jeu, la plateforme, la date, et puis en note, genre si je l'ai fini à quel niveau, comme normal, ou hard, ou à 100%. Ou je mets pas les pourcentages, mais quand je le fais à 100%, je le mets. Donc, Ori and the Blind Forest, Switch, Monster in My Pocket, Double Dragon Neon, Streets of Rage 4, Bloodstained Ritual of the Night, Classic Mode. Il avait envoyé un Classic Mode au début de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était bien. Chip and Dale Rescue Rangers 2, Wallachia Reign of Dracula, Wendy Every Which Way, Game Boy Color, Avenging Spirit, Game Boy, Cyber Shadow, Trax, Trip World, Haunted Castle, sur Switch, hein. Darkwing Duck, Batman de vidéo game au Game Boy, Snow Brothers au NES, Over Horizon au Famicom, Dandara Trials of Fear Edition sur Switch, Shovel Knight, Plague of Shadows, bien aimé ça, Sabrina The Animated Series Spooked au Game Boy, ensuite l'autre, Sabrina The Animated Series Zapped au Game Boy Color, les deux au Game Boy Color, excusez. Bucky O'Hare, NES. Tu vois, ça, c'est un jeu que j'avais envie de refaire, que j'avais déjà fini là, il y a une couple d'années, puis je suis comme, hey, j'ai envie de le refaire. T'sais, c'est ça qui a le fun avec le NES, refaire des jeux de temps en temps. The Mummy Demastered, que j'ai beaucoup aimé. Metroid Fusion. Super Skateboarding, à l'Atari 7800. Ça se finit. Chasm. Tanuki Justice. Félix the Cat au Game Boy. Carry On. Incantation au Super NES. Wonder Boy, Asha in Monster World. Graceful Explosion Machine sur Switch, Kazi and the Wild Masks sur Switch, Super Crush KO, qui est le jeu du même studio que Graceful Explosion Machine. Achetez ces jeux-là, ils sont vraiment le fun. The Guardian Legend au NES, ça j'étais content de finalement le faire, là, ce jeu-là. Dracula Crazy Vampire au Game Boy Color, c'était pas bien bon, mais fallait que ça se finisse. Battle Unit Z-Off au Game Boy, Runer sur Switch, Ghosts and Goblins, là c'est beau là. The Guardian Legend au NES, que je viens de dire, Ghosts and Goblins au NES, Gunknack au NES, Kickmaster au NES, Street Fighter 2010 The Final Fight au NES, Belle Straight là, de jeu NES, que je suis comme, yeah, j'ai enfin fini ce jeu-là. Très content de ça. Steel Assault, Actraiser Renaissance, Metroid Dread, Ape Out, Gris, Project S11 au Game Boy Color et Stormfront The Mutant War, que j'ai terminé juste avant d'aller au WEG. J'ai terminé des jeux avec des gens au WEG, mais ça, je les compte pas parce que je les ai fait en équipe. Je compte juste les jeux que je fais seul. Donc, ça ressemble à ça, mon cher ami. Jean-Michel Racine, quel est le meilleur lutteur, Greg the Hammer Valentine ou Hacksaw Jim Duggan? Je pense que Greg the Hammer est un plus légendaire lutteur et technicien. Et vraiment meilleur lutteur. Mais Jim Duggan, il dit, oh, le drapeau, puis tu sais, comme il, c'était du fan service, là, mais il était un bien meilleur lutteur. Tu sais, Hulk Hogan n'est pas un grand lutteur. Hein, tu sais, Bret Hart est un meilleur lutteur que Hulk Hogan, mais tu sais, la lutte, c'est beaucoup le personnage aussi. Donc, le personnage de Hacksaw Jim Duggan est nettement plus populaire que Greg the Hammer, à mon avis. Jean-François Joly, GTA 3 qui récolte 0.5 sur 10 sur Metacritic. Finalement, qui a gagné le pari? Il parle de rétro nouveau. On en parle ce soir. Ton opinion sur l'Atari du même gars? Ton opinion sur Atari XP? Ça, je pense qu'il veut faire référence aux cartouches Atari qui viennent d'être annoncées par Atari. Trois jeux. Là, il y a toute une affaire, là... Il en reste-tu encore pas mal? Non, ça achève. Il y a toute une affaire. Atari release des jeux physiques. Là, je suis comme, c'est bien cool, ça. Yars Revenge 2, genre, puis deux autres jeux. Et, mais, ils font ça en format physique, très cher. Et puis Earth Revenge 2, ils disent « Ah, c'est un jeu, ça, à l'origine, qui était supposé sortir. » Et ce n'est pas vrai. C'est un jeu qui serait sorti sur une flashback, console Atari flashback à un moment donné. Bref, ils ont comme mal fait ça, si je peux dire. Puis ils essayent. C'est limité. Donc, ils essayent de milker ça. Et puis, les références de ça sont pas bonnes. Puis, on le voit facilement sur les groupes d'Atari, là, justement, tout le monde. Chris, les gens qui étaient chez Atari à l'époque sont sur Facebook, eux autres. Puis, ils disent non, c'est pas ça. Puis, c'est pas correct comment est-ce qu'ils font ça. Hein? Donc, je passerai pas à travers de toute l'histoire. Mais je trouve ça quand même nice que Atari release des cassettes Atari. Tu sais, des vraies cassettes Atari. Que tu mets, même format, toutes. Fait que ça, c'est très cool. Est-ce que je vais les acheter? Non, parce que ça coûte très cher. Genre 80$ pour le cart, juste le cart, là. Et puis, genre 150$ avec la boîte, là. Fait que c'est des hosties de malade. C'est des jeux Atari, là. Ça demeure des jeux Atari, donc c'est pas des jeux que... T'as pas des heures et des heures de gameplay là-dedans, là. C'est vraiment des systèmes de collection. Fait que je trouve ça nice, puis tant mieux. J'aime mieux que ça arrive que rien du tout. Mais puis les jeux sont disponibles sur l'Atari VCS en téléchargement, si vous avez une Atari VCS. Je trouve ça nice, pareil, tu sais, ça... Atari, ils font de quoi? Ils s'activent le cul un peu, là, tu sais, fait qu'il se passe des choses. Donc c'est bien, mais trop cher pour moi. Louis-Philippe Lorrain Bob Otis, un très long nom, qui écrit de 1993 Blue Knight. Là, je sais pas ce que ça veut dire, je vais juste aller faire une petite recherche. Et puis, il doit faire référence à Greg the Hammer Valentine, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un personnage. Bon, Renaud Dorval. « Quelle console regrettes-tu de ne pas avoir connu plus tôt ou pas avoir eu à sa commercialisation dès le jour J? Quelle console regrettes-tu d'avoir tout vendu pour faire son achat? Exemple, vendre ton stock Super NES pour la PS1. » Première question. Console que je regrette de ne pas avoir connue dès le lancement. Je pense pas qu'il y en ait, là, pour être franc. Il n'y a pas de console d'aujourd'hui que je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est incroyable cette console-là. J'aurais donc bien dû m'intéresser à ça dès le départ. Mais une console que j'aime beaucoup présentement, ramasser des jeux de, c'est la Game Boy Color. Il y a une librairie de marde, pleine de marde, mais à travers, il y a des pépites. Et puis, comme sur l'excellent groupe Facebook Finir des cassettes, l'excellent Patrick Doyon est full on finir des jeux portables. Et puis, il en découvre beaucoup des jeux de Game Boy Color. Donc, puis des affaires là, que je ne me serais jamais douté, là, tu sais, où j'aurais même pas commencé à checker. Les Sabrina, c'est un bon exemple. Là, il a parlé d'un jeu de Hot Wheels dernièrement, qui a de l'air nice. Driver, tu sais, fait que moi j'achète tous ces petits jeux-là, ils sont 10$, tu sais, 10-15$, je les essaye, je les garde, c'est beau dans la collection. J'aurais pas voulu acheter la Game Boy Color à son lancement, puis me lancer fou là-dedans, mais j'aime ça. Mais non, c'est pas... tant mieux s'il y a des affaires que j'ai jamais explorées, puis qu'aujourd'hui, je découvre que, ah, mais c'est pas inintéressant, ça. Ça me fait... ça continue d'ouvrir mes horizons. Donc ça, c'est nice. Quelle console regrettes-tu d'avoir tout vendu pour acheter l'autre console d'après? C'est pas vraiment arrivé, mais j'ai vendu dans le temps tout mon stock Super NES pour m'acheter un snowboard. J'ai fait un peu de snowboard, tu sais, c'était cool, c'est pas comme si je n'avais pas fait, là, mais aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que je me dis, Chris, ben j'ai tout racheté ces affaires-là, fait que ça, je suis à jour, là. Mais c'est plus mes affaires Game Boy, tu sais. NES, Super NES, tu sais, bien sûr, j'ai tout racheté ce que j'avais, mais Game Boy, c'est que ça m'a coûté cher, là, racheter les boîtes puis tout. Puis le seul qui me manque, c'est le Jetsons complet en boîte que j'avais. Et puis c'est le seul là, complet en boîte qui me manque dans ce que j'avais, que je veux revoir. Donc c'est ça, si jamais vous avez de Jetsons au Game Boy complet, c'est définitivement une affaire qui me manque là, pour racheter mon enfance et ne plus avoir de regrets. Le regret est par contre que j'avais déjà ça, payé retail, puis là ça me coûte 500$ par jeu. François Clermont, penses-tu que l'Amico part d'une bonne intention ou si c'était un peu de la crosse dès le départ? Beaucoup de monde hein, me parle d'Amico. Je suis vraiment le gars d'Amico, moi. Mais non, je pense pas que c'est de la crosse du tout. Là. Je pense que ça part d'une très bonne intention, une réelle intention. Mais le but des gens, quand ils partent des projets, tout comme moi, c'est bien intentionné, c'est des projets passionnels, mais il faut que les revenus, il faut faire de l'argent, asti, avec ça, là, tu sais. Fait que de faire de l'argent avec une entreprise ou un projet, c'est pas mal intentionné, là, c'est juste logique, là. Personne n'a du temps à donner ou à gaspiller dans le vide, là, tu sais. Donc, je pense pas qu'Intellivision essaye de crosser le monde, mais Intellivision réussisse pas à faire proprement ce qu'il avait en tête, puis il struggle, t'sais. Fait que je pense que c'est bien intentionné, je pense que c'est maladroit, et je pense qu'il struggle. Donc c'est ça qui leur arrive malheureusement. Jonathan Milter, c'est quoi ton jeu de lutte préféré? Bonne question. Pour vrai, je joue pas vraiment des jeux de lutte, là, genre jamais. Fait que, mais des funny pro wrestling au NES, c'est un jeu que je trouve tout le temps bien drôle puis bien le fun à jouer avec du monde. Sinon, j'ai découvert justement au Game Boy Color un jeu de Way Forward. Je savais qu'il avait fait un jeu de lutte, mais je pensais que c'était de la vraie lutte. Puis c'est pas un jeu de lutte. Puis je vais vous sortir le nom. Attendez, là, ce sera pas long, là. Ah oui! WWF Betrayal. Donc, c'est un jeu de Way Forward. Et Way Forward, le jeu de Game Boy Color, et en général, mes Game Boy Color sont tous nice. Mais il y avait aussi ce jeu de lutte-là. Moi, j'ai tous les jeux de Way Forward au Game Boy Color. C'est réglé. Je suis bien content. Je veux pas le style jeu de lutte. Puis là, j'ai découvert que le jeu de lutte, c'est un beat'em up. Genre, c'est Double Dragon avec des lutteurs. C'est comme, hey, Chris, mais je veux ça. Puis c'est Way Forward. Donc, ça, c'est sur mon radar en esti. Et puis, je suis bien curieux d'essayer ça. Fait que ça pourrait devenir un jeu de lutte, entre guillemets, Melter. Mais sinon, ouais, pro wrestling, mais j'ai pas beaucoup. T'sais, Saturday Night Slam Master, c'est un jeu d'arcade funny, mais j'ai jamais mis beaucoup de temps là-dedans. Je pense que la 64 a plein d'excellents jeux de lutte. Le meilleur est supposément No Mercy, mais c'est pas ça fait pas partie de mes souvenirs ou de mes explorations. Donc, mais la 64 est définitivement intéressante, je pense, pour la lutte. Jim Gendron, comment as-tu rencontré la femme de ta vie? Grosse question. Je vais la faire en dernier. Il m'en reste deux autres. Marc-André Nadeau, est-ce que vous collectionnez les cartes Limited Run? Vous étant les gens, j'imagine. Moi, non. Ça me fait chier que ça existe. Parce que j'aime pas ça avoir des gogosses avec les jeux que j'achète. Moi, je veux juste le jeu. Je veux pas de porte-clés, je veux pas d'affaires que je suis obligé de garder pour dire que le jeu est complet avec ça. Je veux juste le jeu, s'il vous plaît. T'sais. Plus qu'il y a des gogosses, plus que c'est compliqué à collectionner. T'sais, maintenant, les jeux NES, ça vient avec une sleeve, il y a un foam dans le fond. Ça vient avec un insert, un abonnement Nintendo Power, un livret, un poster. C'est comme, arrêtez de mettre des affaires. Mettez le jeu de livret. Ça nous suffit. Si tout était jeu livré, la vie serait beaucoup plus simple. Fait que moi, je collectionne pas les cartes Limited Run. Je les garde parce que ça vient avec. Mais à noter, par contre, que chez RetroMTL, vu qu'on est des fournisseurs, les jeux viennent pas avec des cartes. Les jeux viennent avec des cartes que pour les particuliers qui achètent directement de chez Limited Run, par exemple. Donc, si tu veux la carte de ton... Si nous autres, on commande 50 Célestes, puis que et ça ne viendra pas avec la carte de Céleste. Par contre, ce que les Metal Run font, c'est que des fois, de temps en temps, ils envoient à nos fournisseurs des stacks de cartes, toutes pareilles, avec un chiffre différent, mais le même dessin, mais chiffré différent, générique, tu sais, ou whatever. Fait qu'on a ça. Peut-être à un moment donné, on va se mettre à les vendre, là, mais on s'en fait garrocher. Puis c'est random, ben raide, donc on verra. Sébastien Wood, quel est selon toi le meilleur investissement à faire maintenant pour une prévision 5-10 ans, à part acheter un duplex? Sébastien Hood, qui est... vous irez voir son compte Instagram qui se lance à fond dans les cartes. Donc, la spéculation des cartes de sport. Et j'ai vu qu'il commence à entamer les cartes Pokémon aussi. Donc ça, c'est nice. Je te souhaite bien du succès, mon ami. J'ai hâte qu'on s'assoie devant une bière ou une bière sans alcool ou un verre d'eau pour discuter de ça. Et puis, mais un meilleur investissement à part l'immobilier, lui est dans les cartes, tu sais, justement pour l'investissement, pour s'amuser avec ça. Ben, il aime le sujet, mais aussi c'est pour la l'argent, tu sais, c'est pour faire des profits, comme le monde le sont présentement avec les jeux graded, tu sais, ils sont pas là pour aimer, il y en a que oui, si tu veux, mettons, avoir un jeu bien graded, un jeu que t'aimes quand t'es, mais tu sais, quand 95% du monde qui achète des jeux graded, c'est pour les flipper, puis les revendre, puis faire une boule d'argent, puis m'emmener à en avoir, tu sais, mais moi, je suis pas là-dedans. Puis je pense que... Ben, je me suis même désabonné du groupe Facebook High End que j'ai parlé souvent. Je suis comme tanné de ça. J'ai lâché une couple de groupes Facebook dernièrement, puis ça me fait du bien. Fait que ça, c'est bien. Mais non, je sais pas, man. Je m'y connais pas assez à la bourse ou la crypto-monnaie. Je connais pas encore à ça. Donc, moi, j'ai mes petits placements. J'ai mon immobilier, j'ai mes business que j'essaie de faire grossir, puis c'est de même que j'essaie d'investir, en fait. J'investis pas dans une collection, je collectionne pour le plaisir. Donc, si ça fait de l'argent en plus, tant mieux. Mais moi, c'est comme... Je veux que mes entreprises valent cher, puis mes placements, ben, je les fais gérer par un spécialiste. Mais c'est pas, il y en a qui gèrent ça, tu sais, puis ok, je rachète, je revends, j'ai des parts, ici, mais ça. Moi, j'ai pas cette patience-là. Et je félicite et salue tout le monde qui ont ce pouvoir mental-là d'être capable de suivre ça et puis de retirer de l'argent, de le mettre dans une place, puis de manager de même, puis de s'enrichir énormément. Je trouve ça incroyable. Bravo. J'aimerais vraiment ça être capable de faire ça. Donc, Jim Gendron, pour finir, comment as-tu rencontré la femme de ta vie? Alors, ma femme et moi sommes originaires de Saint-Joseph-de-Beauce, petit village, Beauceron, chaleureux. Et puis, on habitait dans le même quartier. On se connaissait pas. Ce qui est étrange, c'est qu'on a découvert, il n'y a pas si longtemps, que quand on était jeune, on se faisait garder en même place chez des gens ou qu'on avait quelques amis communs. Fait qu'on flippait à travers nos photos. Je suis comme, « Hey, c'est toi, ça, au party de Jérôme? » C'est comme, « Ben oui, c'est moi! » Je suis comme, « Ah, on était là les deux. » C'est bien drôle. Fait qu'on a découvert ça. Mais on s'est connus vraiment plus au secondaire. Elle était en 3, moi en 4, je pense. Oui, fin 4 pour moi. Donc, elle était un an plus jeune. Et puis, on a sorti ensemble. Je l'ai remarqué pendant que j'étais surtout en autobus. Donc, à Saint-Joseph, tu sais, l'autobus sillonne les quartiers, ramasse le monde. À telle place, il y a un petit paquet de monde. À telle place, il y a un petit paquet de monde. Amène tout le monde à l'école. Et puis, j'avais remarqué une année, tu sais, l'autobus avait un nouveau trajet. Habituellement, on passait pas par là. Puis là, on passait par là. Puis là, je voyais qu'elle attendait l'autobus au coin de la rue. Mais elle prenait pas mon boss parce que mon boss faisait un autre chemin. Elle attendait le sien. Puis je la trouvais sexy, là. Elle avait une petite jupe, là, tu sais, avec des bas aux genoux, là. Je trouve ça sexe. Et puis, je l'ai remarqué comme ça. Et puis, j'ai commencé à lui parler un petit peu à l'école, ici, et aller la voir entre les cours, là, me semble. Et puis, on a commencé à faire connaissance tranquillement comme ça. Et puis, à un moment donné... Là, j'ai de la misère dans le temps, là, à voir c'est combien de temps ça a duré, ça, je me rappelle plus, mais c'est ça. Puis à un moment donné, je l'ai invité à venir chez moi après l'école, juste. Après l'école, tu sais, le secondaire, ça fait, je sais pas moi, à 4 heures, puis le boss drop chez nous, j'arrive à 4 heures et 10, puis tu sais, bon, nous autres, tout le monde va souper à 5 heures, fait que j'ai dit, ben, t'entends-tu venir chez nous, tu sais, fait qu'elle a embarqué dans mon boss pour débarquer en avant de chez moi, mais là, on s'entend, chez elle et chez moi, c'est genre 5 minutes de marche, tu sais, entre les deux. C'est rien, tu sais. Mais quand t'es en Beauce, tu marches jamais. Ben non, les jeunes, nous, on marche. Ici, à Montréal, dans les villes, on marche beaucoup, tu sais. Mais en Beauce, le monde prend leur char. Fait que marcher 5 minutes pour une personne de 50 ans en Beauce qui a tout le temps vécu là, c'est comme... Tu sais, pourquoi je marcherais? Je vais prendre mon char, tu sais. Personne marche. Mais c'est ça. Fait que 5 minutes, c'est rien. Donc, elle débarque chez nous. Puis là, mon père était là. « Salut, je te présente mon amie Catherine. » On est allé dans ma chambre. Puis là, on a necké. J'ai comme... je suis allé direct. J'ai embrassé. Et puis, on a fait ça. Et puis là, c'est comme... OK. Et puis, on commençait à genre continuer de jaser un peu. Puis tout. Puis là, ben, elle est partie souper chez elle. C'était bien gênant. Et puis, c'est ça. Puis on a continué à se fréquenter un peu, puis on a commencé à sortir ensemble. Fait qu'on a fait un bout, on a fait une couple de mois, et puis finalement, je l'ai laissé. moi, méchant, cruel, parce que, je veux dire, ça allait comme super bien. Ça allait comme trop bien pour moi, j'avais comme peur un peu, tu sais. Je sentais que ça aurait pu... Je sentais l'engagement, là, puis on tu sais, comme le level qu'on avait ensemble, puis j'ai comme eu peur de ça, tu sais, jusqu'à... Ben là, moi, l'année prochaine, tu sais, je sais pas ce que je vais faire. Je voulais pas de racines, tu sais, en Beauce, ou de... Je voulais être libre d'aller étudier où je veux, ou de vivre des affaires, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai comme voulu mettre fin à cette relation-là, parce que j'avais trop peur de l'engagement, tu sais. Et puis je trouve qu'à cet âge-là, c'est jeune pour s'engager, tu sais. Puis ma blonde est d'accord aussi aujourd'hui, tu sais, je veux dire... Mettons, rencontrer ton partenaire à 15-16 ans, puis passer ta vie avec, c'est parfait. Puis si ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est le fun de vivre d'autres affaires aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, that's it, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai laissé, on est resté en bon terme. Mais tu sais, on s'est pas fréquenté ou tu sais, on n'était pas dans la même gang d'amis ni rien. Puis il était un an plus jeune. Fait qu'elle fait ses affaires, je fais mes affaires, on vit nos choses, on s'en va. Je m'en vais à Sherbrooke au cégep, elle va à Saint-Georges au cégep. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était les deux à Montréal, elle à l'Université de Montréal, puis moi à l'UQAM. Et puis, on s'est revu dans le temps des fêtes en Beauce, dans un petit bar, là, tu sais, quelconque. Et puis, c'est là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Salut, j'étais à Montréal. Moi aussi. Fait qu'on a commencé à se voir. C'était au début, ça, la première année de nos bacs, donc bac qui dure 3 ans, dans la première année. On s'est vu une fois ou deux, là, tu sais, mais il s'est rien passé, juste en ami. Et puis, c'est ça. Puis l'autre année d'après, on s'est vu un petit peu plus, tu sais. Puis l'autre année d'après, encore un peu plus. Mais tu sais, on s'est jamais comme. On n'a jamais eu de relation, on s'est jamais embrassé. J'avais des blondes, des fréquentations, elle avait des chums, tu sais. Puis ça donnait plus ou moins. Mais c'est essayé un peu quand même. Elle a dormi chez nous des fois, puis. Là, je mettais mes boxeurs que je trouvais sexy, là, tu sais, puis j'essayais que... Mais non! On n'a rien fait! Je suis comme, calice! Qu'est-ce que c'est? Ça me... Fait qu'elle voulait pas, elle voulait pas. Moi, je voulais qu'on fasse du sexe un peu, mais ma femme, ma future femme, voulait pas. Fait que c'est ça. Mais c'est bien correct. Et puis, that's it, on a fini notre secondaire, notre université chacun. Et puis, moi, après l'université... pas après. J'ai fini l'université au printemps, et puis that's it. Donc le printemps 2003, j'ai fini l'université, et puis après ça, j'ai commencé à travailler dans une petite agence, très petite agence de pub et de design. On était comme 5, tu sais. Et puis Noël est arrivé, ça a été ça. Puis là, un peu, non, avant Noël, à l'automne, j'ai fréquenté une fille de Québec. Et puis, parce que j'étais allé à Québec pendant l'été avec des amis faire le party, puis ses amis avaient sa blonde de mon ami, avait une amie, puis là, j'ai comme commencé à... On a fait du sexe, et puis c'était très bien, et puis on a commencé à se fréquenter un peu, et puis à sortir ensemble, entre guillemets, c'était une relation à distance, tu sais, puis on a sorti ensemble 3-4 mois, ce qui nous amène à fin novembre, je dirais. Puis j'ai mis fin à la relation parce que c'était comme tannant. J'étais pas nécessairement en amour avec cette fille-là non plus, mais ça faisait longtemps que j'étais célibataire, tu sais, puis ça fait comme du bien d'être avec quelqu'un quand même, puis d'avoir des rapports. Fait que c'est ça, mais c'était pas une relation, tu sais, que je voyais à long terme, puis tu sais. Relation à distance, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, là, pour vrai. J'avais des blondes en pause pendant que j'étais aux études à Sherbrooke ou à Montréal, puis Christ que j'en ai eu, puis c'est tannant au téléphone, c'est ce petit téléphone, moi je veux plus parler au téléphone. Appelez-moi pas, je réponds pas au téléphone jamais. Et puis redescendre la fin de semaine, ou c'est elle qui vient, j'ai comme tanné de ça, tu sais. Fait que, voilà. Et puis, mais là, j'étais en appart avec un de mes amis, puis ma blonde, ma future blonde, ça a donné que l'appart que j'ai pris était dans le quartier Côte-des-Neiges. Moi, j'avais fini l'école, fait que je suis parti en appart avec un ami que lui allait à l'Université de Montréal. Et on a loué dans Côte-des-Neiges parce qu'il était proche de l'université. Et puis, ma future blonde habitait Côte-des-Neiges à 5 minutes à pied de notre nouvel appart. Donc là, on se voyait. Elle habitait droit à côté. On allait au cinéma puis tout. Puis là, finalement, on a couché ensemble pour la première fois de notre vie. Début 2004. Et puis, on n'avait même pas couché ensemble au secondaire. Mais ben d'ailleurs, c'est comme de quoi que je voulais comme pas faire parce que, tu sais, on était comme un peu rendu là. Et puis, je voulais pas faire ça en me disant que, tu sais, je veux pas m'attacher, je veux pas de racines, tu sais, je veux pas la blesser. Là. On couche ensemble, puis je te laisse 2 mois après parce que je veux pas m'engager, tu sais. Je trouvais que faire l'amour pour une première fois, c'était comme un investissement, tu sais, puis on l'avait jamais fait. Fait qu'on l'a fait, c'était merveilleux, en 2004, et puis on a commencé à sortir ensemble à ce moment-là. Alors voilà, donc je peux dire que j'ai comme, aujourd'hui, je suis avec ma blonde du secondaire, tu sais, c'est juste qu'on a eu un stretch, qu'on a chacun vécu nos affaires, puis c'était merveilleux, au sens qu'elle a vécu des choses, couché avec du monde de son bord, moi aussi de mon bord, on a eu des relations, des voyages, des affaires, t'sais, on a fait toutes nos choses, puis quand on s'est retrouvés, ben, on était rendus là, tu sais, mais en début de carrière chacun, et puis, c'est ça, devais avoir 24 ans, j'imagine, à ce moment-là. Et puis, à 28 ans, donc 4 ans plus tard, on avait notre premier enfant. Fait que, puis voilà, depuis ce temps-là. Donc, c'est l'histoire, c'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie. Donc, faut que je m'en aille, guys. 1h20 de spectacle, quand même. Je me sens en forme. J'ai fret, par exemple, je vais remonter mon chauffage. Puis là, je vois plein de messages passer. Il y a un bug avec le site web. On va aller voir ça. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de poser des questions et d'avoir écouté ce valeureux spectacle que je vais essayer de mettre en onde aujourd'hui. Et puis, Rétro Nouveau enregistre, alors vous écouterez ça aussi. Je m'en vais. Alors, bonne journée. Bye!